France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 98. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 9 décembre 2007, 11h05, bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Mégalopole Nippon, tu es Tamagotchi ou Pokémon, tu es la geisha du samouraï, tu es sashimi au thon parfumé de wasabi, tu es stupeur et tremblement, et tu es aussi... La journée commence à Tokyo. Dans l'Empire du Soleil Levant, elle ne peut que survivre à la nuit et suivre la destinée de ce même soleil. À Tokyo, s'il ne neige pas, tout apparaît clair et blanc. Oui, tu l'auras compris, l'ami, ce matin, tu es à l'est du mont Fuji. Tu es Tokyoïte. Alors, ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé, durant 53 minutes, de se trimballer en kimono à Tokyo. Mais pourquoi Tokyo, me diras-tu ? Eh bien, toujours dans sa volonté pédagogique et sincère de t'expliquer les sacro-saints principes de notre gouvernement, la panique a souhaité saisir l'esprit de cette puissance économique japonaise où depuis des millénaires, tout le monde se lève tôt, y compris le soleil. Et pour commencer notre exploration de la capitale nippone, et bien de l'ère Meiji au triomphe des mangas, il faut revisiter l'histoire de l'ancienne Edo devenue Tokyo. Ensuite, durant quelques minutes, nous constaterons ensemble combien la culture japonaise a envahi notre quotidien d'Européens. D'ailleurs, nous assisterons dans la foulée à une rencontre hallucinante où l'ambassadeur nippon offre un cours de japonais au maire d'un petit village français, le tout signé Jean-Yves Lafesse. Et puis, nous partirons à la visite de Tokyo, accompagné du plus grand spécialiste de la culture japonaise en France, un éminent tokyologue, président Chirac bien sûr. Et enfin, nous retrouverons la geisha Monique et le ninja Jean-Claude à Grosboule-les-Bains où ils ont été chargés le week-end dernier de préparer la réception d'une importante délégation japonaise. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et oublie tes sushis. Breaking up. Japanese Boy, ce fut en 1981 le garçon à la mode. Mais aujourd'hui, les Tokyoïtes les plus célèbres, ils sont allemands et vivent dans un hôtel. Nous allons atterrir à Tokyo. À l'heure locale, nous sommes demain. Alors ce matin, la panique au Mangin Palace a donc endossé un somptueux kimono et a chaussé de magnifiques oris de paille tressées afin d'aller visiter la plus grande agglomération de la planète, direction Tokyo, avec ses 35 millions d'habitants et qui fête cette année, dis donc, le 550e anniversaire de sa fondation. Il y a 550 ans, en 1457 donc, dans un contexte de guerre civile, un château fortifié fut construit à Edo, l'ancien nom de Tokyo. Et c'est ce site qui fut choisi au début du XVIIe siècle par l'unificateur du Japon, le shogun Ieyasu Tokugawa, pour être sa capitale administrative, tandis que l'empereur, lui, privé de pouvoir, demeurait à Kyoto. L'ère d'Edo est marquée par l'autorité des shoguns et des samouraïs. La ville connaît alors une grande prospérité. Artisans et commerçants se concentrent autour des seigneurs et l'activité culturelle et économique est florissante. Ainsi, dès le XVIIIe siècle, Edo est déjà la plus grande ville du monde. Et pourtant, le pays est alors complètement fermé aux étrangers et aucun Européen ne peut pénétrer au Japon sans risquer de gros ennuis. Vous demandez sans doute ce que vient de me dire mon excellent ami, le maître Soseki, hein ? Eh bien, c'est très simple. Il vient de dire « Demain, je violerai tes enfants et je boufferai tes poules. » Ah, ça dit, poules, hein, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Mais n'y voyez là nulle offense, hein. Nulle agressivité. Non, non, non, non. Tout cela n'est que formule rituelle. Oui, équilibrer son yin tout en écoutant son yang. Je viens de lui dire et moi, je te tirerai les oreilles devant le temple de Shanli. Doucement, Soseki, hein ? Oui, doucement, là, quand même. Alors, l'année charnière dans l'histoire de Tokyo, c'est 1868, quand débute l'ère Meiji. L'empereur se rebiffe contre les shoguns et lutte pour reconquérir le pouvoir. Tais-toi. Moi, tu ne mourras pas par les sentiments. Fulgure au poing. Oh, Goldorak. Je vais t'achever. Tu n'aurais pas dû te mettre en travers de ma route. ...1868, c'est donc la fin du règne des shoguns. L'empereur retrouve le pouvoir et déplace son palais de Kyoto à Tokyo, littéralement la capitale de l'Est. Le Japon s'ouvre alors au commerce international et la féodalité est abolie. Ainsi, les aristocrates deviennent des chefs d'entreprise, toujours en lutte, mais cette fois-ci pour la guerre commerciale. Se forment alors de gros groupes industriels, les Aibatsu, tels Mitsubishi ou Nissan, et certains Européens commencent même à se poser des questions. Symbole de raffinement et de belle patience, le Japon est resté profondément attaché à une culture millénaire. Malgré cela, le pays du matin calme a su s'imposer en quelques décennies. Comment ce pays, de dimension modeste, est-il parvenu à faire trembler l'Occident ? Quel est le secret de la force du Japon ? Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un shambara, la fierté, la loi. Tu, comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Et en effet, les Aibatsu sont à la fois une arme économique, mais aussi le soutien logistique et militaire de la politique impérialiste de l'empereur Hirohito. Et durant les conquêtes japonaises, la barbarie est systématique. Massacres de masse, esclavage sexuel ou encore expériences chimiques et biologiques sur les civils. Après quelques millions de morts et deux bombes atomiques, plus stratégiques qu'utiles d'ailleurs, le Japon capitule le 2 septembre 1945. Et quelques mois plus tard, en 1946, un tribunal militaire est créé à Tokyo afin de juger les criminels de guerre. Nous sommes à Tokyo, à l'intérieur de l'enceinte où se déroule l'un des plus grands procès de l'histoire, celui des criminels de guerre japonais. Voici bientôt un an, le général MacArthur recevait officiellement la soumission des Japonais à bord du Missouri en rade de Yokosuka. Après l'heure de la défaite, c'est aujourd'hui l'heure de l'expiation et 32 grands criminels de guerre japonais répondent aujourd'hui de leurs actes devant un tribunal international où siègent les représentants de 11 nations alliées. Et vous entendez actuellement au haut-parleur la traduction en japonais de la péroraison d'un Américain. Sur le banc des accusés, nous retrouvons face à leurs juges et derrière leurs avocats tous les noms célèbres de l'aventure impérialiste japonaise. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon est en plein chaos. Le pays est alors sous occupation des États-Unis et le général MacArthur, gouverneur militaire, s'installe à Tokyo. Mais dans la paranoïa anticommuniste du moment, MacArthur ménage quelques anciens dignitaires, compromis par les horreurs de la guerre, comme par exemple l'empereur. Néanmoins, la démocratie est imposée à Hirohito, qui doit alors renoncer à la légitimation divine de son pouvoir. Aidé par les États-Unis, le pays reconstruit son économie. C'est le miracle japonais. Le général MacArthur reste le vrai chef du Japon jusqu'en 1951, l'année même où Akihito, le fils aîné d'Hirohito, est intronisé prince impérial. Mais quel âge avait-il déjà ? Eh oui, à 18 ans donc, Akihito devient le successeur désigné d'Hirohito, et ça jusqu'en 1989. Par dizaines de milliers, en silence, les Japonais se pressent autour du palais impérial. Certains pleurent à genoux, d'autres prient. Au cours d'une très courte cérémonie, 4 minutes seulement, le prince Akihito est devenu le nouvel empereur du Japon. Les funérailles de Hirohito n'auront lieu que dans 40 ou 50 jours. Dans les rues de Tokyo, depuis 8 heures ce matin, aux fenêtres et devant les portes des immeubles ou des maisons, on peut voir des milliers de drapeaux japonais, drapeaux en deuil, drapeaux en berne. De nombreux magasins ont fermé leurs portes. De multiples cérémonies de deuil vont avoir lieu dans les prochains jours. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'ère Showa. Showa, c'est le nom posthume que porte celui que les Occidentaux appellent Hirohito. Parce qu'au Japon, l'empereur n'a pas de nom de son vivant. Il est l'empereur. Akihito, c'est donc le nom que nous donnons au souverain actuel du Japon. Hélas pour lui, son fils Naruhito, le prince héritier, n'a pour enfant que des petites filles qui sont exclues de la succession. C'est pourquoi, dans le palais impérial à Tokyo, tout le monde attend un garçon. Neo Tokyo s'apprête à voir du changement. Cette ville est déjà saturée. Elle devient un fruit trop mûr. Ça commence à puer. Mais il y a une nouvelle graine qui germe à l'intérieur. Il ne nous reste plus qu'à attendre que le vent souffle et le fruit vous tombera dans les mains. Attendons le vent appelé Akira. Ryu, regarde ça. Qu'est-ce que c'est ? Nous n'avons rien à faire. La prophétie d'Akira fera le travail pour nous. Attention à ceux qui déforment la providence sous le couvert de la science. Sous le couvert du progrès, nous trouvons gaspillage après gaspillage. Sous le couvert de la culture, nous trouvons désolation du cœur humain. Le temps est proche. Ravivez vos esprits. Akira arrive. Eh oui, depuis la fin de la polygamie dans la famille impériale, la probabilité d'avoir un garçon est réduite. Et que faire s'il n'y a que des filles? Serait-ce la fin d'une des plus anciennes familles régnantes? Eh bien, rassure-toi. Car le 6 septembre 2006, le prince Akishino, le frère de Naruhito, a donné naissance à un petit garçon. Ouf ! Au Japon, ce rejeton rallume la succession dans la maison des souverains nippons. Allume-moi, je suis fort, et j'ai tellement besoin de toi. Dans le noir, j'ai trop peur, et je pleure devant toi. Regarde-moi, je suis là. Oui, mais toi, tu ne me vois pas. Oui, mais moi, je suis là. Devant toi, allume-moi, allume-moi, allume-moi. te chante ce que j'ai en mes yeux. Regarde ça, c'est pour moi, la maison d'un toit sans moi. Aimez-moi, sans toi non, jamais non. Allume-moi, allume-moi, allume-moi. Allume-moi, c'est ce que réclame Miro, dont le nom de famille est Tideport. Miro Tideport, donc, parce qu'à 20 minutes par livre, à 11h21, il est grand temps d'allumer ton four pour le déjeuner. Et voilà une bonne japonaiserie. Alors, comme d'habitude, nous sommes en direct du Mangin Palace et après avoir survolé l'histoire de l'archipel nippon, il est temps dès à présent de découvrir ensemble combien les Japonais sont également parvenus à exporter leur culture sur le continent européen. Oui, mon ami, désormais les rayons du soleil levant transpercent parfois la brume de ton quotidien. Sais-tu que le rayonnement contemporain du Japon s'est amorcé il y a déjà bien longtemps ? Ainsi, le 23 septembre 1889, il y a plus d'un siècle donc, près de Kyoto, M. Fusajiro Yamoshi fonda une petite entreprise afin de produire des cartes à jouer japonaises. Sa société prit alors le nom de Nintendo. Oui, et c'est en 1977 que Nintendo créa la première console de jeux vidéo et en a refourgué plus de 387 millions à travers le monde en 30 ans. Depuis, Super Mario et Donkey Kong, créatures japonaises, sont devenus d'authentiques stars planétaires. De la même manière, bien que très ancrée dans la culture moderne, la bande dessinée japonaise trouve ses origines au XIXe siècle, lorsque le célèbre peintre nippon Hokusai nomme les grimaces des visages qu'il dessine des mangas. Et là encore, c'est au mi-temps des années 1980 que les mômes européens adhèrent en masse à la déferlante des héros de fiction japonais à la télé. Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Je m'appelle Nathalie, sauvez-moi. Toi, tu t'appelles Nathalie, avec des yeux bridés et ta face de citron ? Tais-toi, idiot, c'est jamitant, mais elle s'appelle Nathalie, c'est pour l'exportation en France. Ah d'accord. Alors que se passe-t-il ? Je m'appelle Nathalie, je suis une gentille et je suis poursuivie par un méchant. Un méchant ? Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Rayon laser BX4000. Disque laser de Dorothée. Oh, je vous retrouverai, je vous retrouverai. Merci, vous m'avez sauvé la vie. De rien, nous aussi on est des gentils et on n'aime pas les méchants. C'est con ce que tu dis. On s'en fout, c'est pour la télévision française. Cela dit, la pénétration de la culture nippone dans nos sociétés occidentales ne s'est pas uniquement appuyée sur des japon-niaiseries télévisuelles pour les mômes que nous étions. Ainsi, en 1976, le réalisateur japonais Oshima déboule sur les écrans français avec L'Empire des Sens, un film qui provoqua un véritable scandale en raison de son caractère pornographique. Mais en réalité, ce chef-d'œuvre raffiné du cinéma nippon tentait de nous faire découvrir un autre champ des possibles du plaisir. Madame Kiku Yamata, qui a tant contribué à nous faire connaître un Japon authentique et non un Japon de fantaisie, comme il arrive trop souvent, vient de publier aux éditions Doma trois récits sur des vies de geisha. Et tout d'abord, madame, voulez-vous nous expliquer exactement le sens qu'on donne au Japon à geisha ? Eh bien, le mot geisha lui-même veut dire personne d'art. C'est une artiste, une danseuse, une musicienne. Ce sont des femmes qui sont élevées pour être élégantes, qui ont l'habitude d'une très grande discipline esthétique et qui sont appelées dans les banquets pour verser le saké et animer la conversation. Ce sont également des courtisanes. C'est-à-dire qu'on peut faire appel à elles pour le flirt et la passion, le grand amour. Mais on ne peut pas dire que ce soit des prostituées. Oui, la geisha est une véritable incarnation du raffinement des nuits japonaises. Malheureusement, dans la culture occidentale, la geisha est encore immédiatement cataloguée au rayon des prostitutes. Résultat, pas de geisha chez nous. En revanche, depuis 15 ans à peu près maintenant, un autre élément essentiel des soirées nippones s'est propagé malencontreusement, celui-là, dans les festivités nocturnes en France. Ce soir, je vais au K, c'est le sang du kara, le sang du karaoké. Karaoké, c'est le plus beau jour de ma vie. Karaoké, j'en ai rêvé toute la nuit. Karaoké, moi aussi je peux être une star, comme Daniel Balavoine, Claude François et Jean-Jacques Goldman. Bien entendu, le karaoké appartient au registre des dommages collatéraux des échanges culturels franco-japonais. Mais à l'opposé, la culture nippone a su nous offrir le bonheur de sa sublime gastronomie. Une cuisine raffinée, délicate et codée. Car lorsque les légumes, par exemple, sont soigneusement découpés, eh bien c'est la marque du respect que l'on offre à ses invités. Une cuisine japonaise où l'art de la coupe du poisson revêt également une importance cruciale. Depuis des temps très anciens, les Japonais sont très friands du poisson gonflant, poisson qui contient du poison et dont le nom se justifie par le fait que celui qui le consomme subit une enflure si le poisson n'a pas été préparé de façon spéciale. Minasama kyo oai dekimashite. La saison du poisson gonflant se situe au Japon entre octobre et février. Totemo. Et le poison que renferme un mafagu, poisson gonflant le plus connu, pourrait suffire pour tuer plus de 30 personnes. Dozo gojiyu ni shitsemon shite kudasai. La préparation du poisson gonflant et l'extraction de ses parties vénéneuses a naturellement une importance majeure avant la cuisson. Alors si vous me le permettez, je vais traduire en français ce texte. Cela veut dire, messieurs, aujourd'hui, je suis très heureux de vous rencontrer et si vous le voulez bien, vous pouvez me poser librement vos questions. Eh oui, c'est le Nippon qui le dit, il faut se méfier du poisson gonflant car, comme on vient de l'entendre, il est vénéneux. Par ailleurs, toujours dans le registre du dangereux, il faut également savoir que la fascination qu'exerce la ville de Tokyo sur certains mômes européens peut provoquer chez eux des déboires dont il faut les préserver. Service après-vente, bonjour. Oui, il paraît que le groupe Tokyo Hotel est très fatigué. Oui, leur tournée les a épuisés. Ouais, en même temps, c'est vrai que rentrer tous les soirs à l'hôtel à Tokyo, c'est fatigant. Alors maintenant, pour rester compétitif face à l'expansion mondiale du Japon, nous allons retrouver Jean-Yves Lafesse qui va nous démontrer que de plus en plus, les élus locaux en France doivent faire des efforts pour apprendre à parler le japonais dans le cadre de futures négociations commerciales. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur le maire est-il en mairie ? Il est en ligne actuellement, monsieur le maire. Ah. Je peux vous le passer là, il vient juste d'avoir terminé. Je vous remercie madame. Oui, j'écoute. Oui, bonjour monsieur, la préfecture à l'appareil. Bonjour monsieur. De la place. Dites-moi, nous faisons une tournée avec la chambre de commerce actuellement dans la région et l'ambassadeur du Japon. Ah. Et donc nous informons évidemment nos collègues de la chambre de commerce japonaise. Oui. Que nous mettons à leur disposition aujourd'hui des manuels de franco-japonais un peu simplifiés pour toutes les secrétaires de mairie, les offices de tourisme, enfin vous voyez. Oui. Ah, vous connaissez quelques mots en japonais, non ? Oh là là, non. Ah, alors écoutez, je vais vous le passer. Il parle français, lui, hein ? Oui. Mais il apprécie évidemment dans le texte qu'on glisse quelques mots, vous voyez, de manière récurrente, quoi. Hein. Oui. Donc, pour dire oui en japonais, c'est ok. Ok. Ok. Ouïa. Ok, ouïa. Et donc, pour dire non, donc c'est so. Alors, non. So. So. Voilà. Oui. Doi mi. Lolo. dire bonjour, pour dire bon, enfin pour dire bonjour. Bonjour, hein. C'est Ohio. Ohio. Ohio. Je vous le passe. Hein. Ohio. Bonjour, Ohio. Ohio. Bonjour, Ohio. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Ohio. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup de m'appeler. Ça me fait beaucoup plaisir. J'en suis très flatté et très honoré. Vous avez utilisé le manuel de franco-japonais. Oui, j'ai entendu parler, oui, effectivement. Alors, combien d'habitants dans votre ville ? 1325. Sont-ils heureux ? Bien sûr. Comment ? Oui, ok. J'ai perdu le mot. Ungui. Ok-ia, c'est ça ? Non. Ok-ouya. Ok-ouya. Ok-ouya. Ok-ouya, c'est ça, voilà, oui. J'aime beaucoup votre département. Très flatté, très honoré. Il ne ressemble pas aux villes du sud. Non. Sodomi. Voilà. Mais vous l'aimez. Bien sûr, monsieur. Vous l'aimez. Ok-ouya. Vous l'aimez beaucoup. Ok-ouya. Vous y êtes né. Je suis né, oui. Ah, tous les gens qui habitent avec vous sont nés là ? Sodom-i. Vous êtes fier d'eux ? Ok-ouya. Très bien, monsieur le maire, voyez, c'est facile. Oui. Maintenant, je vais vous expliquer un mot qui veut dire au revoir. Oui. Donc, nous disons Rock. Rock. Rock. Rock. Voilà, H inspiré. Rock. Oul. Un peu plus inspiré. Ankoul. Comme ça. Voilà. À la fin, n'oubliez pas le « et ». Ankoulé. Et. Ankoulé. Nous allons donc prendre congé de vous. Ok-ouya. Je ne vous ai pas trop retardé. Sodom-i. Bon. Alors, monsieur le maire, au revoir. Ankoulé. So-called Mr. Rock'n'Roll is dancing on his. Mrs. Black and White, she's never seen a shade of gray. Always something on her mind every single day, but now she's lost her way. And where does she go from here? Mr. Multicultural sees all that one could see. He's living proof of someone very different to me, but now he wants to be free. Mr. Rock'n'Roll, c'est le personnage encensé par Amy MacDonald. En revanche, si tu es Monsieur Kabuki-san, dans ton fast-food, t'as mis des Mac-sushi et des Yakitori Nuggets. Alors maintenant, pour affiner notre exploration du Japon, la panique au Mangin Palace a décidé cette semaine d'aller à la rencontre du plus grand spécialiste français de l'Empire du Soleil Levant, à savoir Président Chirac, bien sûr. C'est sans doute, c'est dans son salon de son appartement du Quai Voltaire à Paris que Président Chirac nous a reçus avec Sumo, son bichon maltais sur les genoux. Le retraité le plus japonisant de France semblait fou de joie de nous parler de sa passion et nous lui avons tout de suite demandé quel était son meilleur souvenir du Japon. Mon plus cher souvenir du Japon, c'est la neige. Les arbres couverts de neige. J'étais à Tokyo ce jour-là. Yuki wa furu anata wa konai. Yuki wa furu omoi kokoro ni. Oui, bon ben, c'est beau la neige à Tokyo ou à Adamo, mais nous, on a immédiatement demandé à Président Chirac si c'était vrai, là. Cette histoire d'un compte bancaire avec 45 millions d'euros à la Tokyo Sowa Bank. Eh bien, figure-toi qu'exceptionnellement, Président Chirac nous a livré toute la vérité et nous a répondu sans tergiversation. Nihon ni wa, watashi wa emetsu no, jinko, koza wa motte imasen. Nase malaba, watashi wa nihon ni itta koto ga arimasen no de. Bon, d'accord, ça va être dur de faire avouer à Président Chirac les véritables raisons qui le poussent à aller au Japon, un pays dans lequel il a effectué une cinquantaine de séjours. C'est énorme. Alors la panique au Mansion Palace a proposé à Président Chirac un truc incroyable, aller avec lui à Tokyo pour se rendre compte sur place des raisons de cette passion nippone. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans un avion de la Japan Airlines. D'ailleurs, à peine installé. Nous avons demandé aux hôtesses de l'air japonaises quelle pouvait être, selon elles, la quête de notre ancien président au pays du soleil levant. À noter au passage que les japonaises ne disent pas « président Chirac », mais plutôt... Ainsi donc, au Japon, Président Chirac semble avoir une aura digne d'Alain Delon et de Mireille Mathieu réunis, ce n'est pas peu dire. Et dans l'avion qui nous conduit à Tokyo, en survolant toute l'Eurasie, Président Chirac se goinfre de wagashi, dort beaucoup et pratique le sudoku. Quand soudain, après 12 heures de vol, Président Chirac est complètement émotionné en regardant par le hublot. Et quand on lui demande pourquoi, il nous répond qu'il vient enfin de la voir. La mer, natsu no hi, nami wa odoru, hikari no kage, la mer, kiyorakana aozora. Et en effet, nous survolons la mer du Japon et atterrissons bientôt à l'aéroport de Narita, à Tokyo. Comme Président Chirac meurt de faim, à peine descendu de l'avion, il nous conduit Fissa dans un restaurant japonais du quartier de Shinjuku. Bon, Président Chirac, c'est dingue comme il est à l'aise pour commander et pour utiliser des baguettes. Alors que nous, à la panique, on a eu du mal avec les baguettes. On a éclaboussé un peu tout le monde et ça n'a pas du tout plu à Président Chirac. Sean Gohan, tu ne donnes pas le maximum, concentre-toi. N'aie pas peur, Sean Goten. Je dois pouvoir compter sur vous. Zut, ça s'annonce plutôt mal. On n'est vraiment pas de taille. C'est sûr, on n'est pas de taille à rivaliser avec Président Chirac dans un restaurant japonais. On a terminé tant bien que mal notre repas et là, on a demandé à Président Chirac de nous emmener dans les endroits qu'il fréquente habituellement à Tokyo. Oui, quelles sont ses habitudes dans la capitale japonaise? Bon, là il pleuvait un peu, mais Président Chirac nous a raconté que l'autre jour... L'autre jour à Tokyo, il a fait plus beau qu'un moyen partout ailleurs. Tout nu sur la plage, je ne faisais pas de monokini. À Tokyo tout nu, à Tokyo tout nu, je ne faisais pas, je ne faisais pas de monokini. Je ne faisais pas de monokini. À Tokyo tout nu, à Tokyo tout nu, je ne faisais pas, je ne faisais pas de monokini. Bon, ben, du coup, nous sommes partis sur la plage d'Obaida, la plage artificielle de Tokyo. Et là, personne n'a vraiment semblé surpris de nous voir nous dévêtir en même temps que président Chirac. Au contraire même, ça a attiré auprès de nous pas mal de jolies Tokyoïtes, subjuguées, il faut bien le dire. Anata no mune ni hoho wo yosete koi wa tanoshi bara iro no yume chiri yukumi wa kono mune. Et c'est sur la plage d'Obaida, devenue naturiste sur la simple volonté de président Chirac, qu'une jeune femme de sa connaissance, une certaine Miss Tatumi, s'est approchée de lui alors qu'il le barbotait au bord de l'eau. Alors, que prévoit le protocole ? Je vous demande pardon. Imaginons que je veuille vous voir en privé. Je vous prie de m'excuser. Les geishas sont étrangères à ce genre de pratique. Ne faites pas la timide. Si c'est une question de prix, je suis même sûr. Même si j'avais un prix, vous n'auriez pas les moyens. Ah ouais ? Et le compte caché, hein ? Non, pardon, Jacques, je n'ai rien dit. Désolé. Bref, toujours est-il que président Chirac, tout déconfit et fort mari d'être éconduit par Miss Tatumi, a décidé de rentrer Fissa à Paris. Et quand il est arrivé dans son appartement du Quai Voltaire, président Chirac a retrouvé Bernadette, qui, elle, attendait des explications sur son énième escapade tokyoïte. Eh bien, président Chirac, comme d'habitude, il a tout avoué. Bronzé comme une coco girl, je suis parti à Tokyo. Le soleil, le vent, c'est beau, c'est beau. Au pied du Fujiyama, j'ai rencontré Tatumi, la number one des geishas, qui m'a fait un truc inédit. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Tatumi ? Mais les ananas, ça pousse pas au Japon. C'est encore du n'importe quoi, cette histoire. Pourtant, Bernadette, elle est bien contente que président Chirac soit rentré parce que depuis quelques jours, elle est obligée de faire du Vélib, dis donc. Eh oui, car Bernadette, pour sa retraite, s'était mise à la Kawasaki. Mais là, il y a sa moto qui a capoté. Yamamoto, moto qui a capoté. Yamamoto Kakapoté, c'est un calembour bidon des Parisiennes en 1967. Alors que nous, à la panique, nous ne sommes pas du tout friands de ces jeux de mollets qui mettent en jambe. Oh. Alors, la clepsydre du Manchin Palace nous indique qu'il est désormais 11h45. Il est donc grand temps de retrouver nos deux kamikazes, les débridés que sont Monique et Jean-Claude. Et figure-toi que depuis quelques mois maintenant, la municipalité de Grosboule-les-Bains est en pleine discussion avec un district de la ville de Tokyo afin de mettre en place un jumelage entre ces deux communautés urbaines. Du coup, le maire de Grosboule-les-Bains a demandé à tous ses administrés, y compris Monique et Jean-Claude bien sûr, de venir suivre des cours de culture japonaise dans la perspective de recevoir au mieux la délégation tokyoïte qui devait arriver sur la commune vendredi soir. Seulement voilà, cette histoire de jumelage nippon là, Jean-Claude s'en tape. Oh, j'ai eu ma dose de japonaiserie. On nous a obligés à jouer une pièce kabuki. Ça s'appelait les 37 samouraïs. Moi, je voulais jouer Yoshi, mais ils m'ont fait jouer Ori. Ensuite, on a eu droit à l'art du papier plié, suivi de l'art floral et enfin à de la méditation. Satori no imitsu, shirai dono. Damyo, adewakako bujin daro. T'en fais pas, mon petit sushi. Je vais te montrer un truc japonais. Oh, c'est magnifique, papa. C'est une grue. Les Japonais croient que cet oiseau porte chance. Quoi qu'il en soit, toute la famille du Jean-Claude semble avoir assimilé quelques bases essentielles de la culture japonaise et à n'en pas douter, la délégation tokyoïte sera sensible à cet effort des résidents de Grosboule-les-Bains. C'est ainsi qu'avant-hier, vers 19h30, dans la salle des fêtes de Grosboule-les-Bains, a eu lieu une réception officielle cruciale dans la perspective du jumelage avec la commune de la délégation tokyoïte qui vient d'arriver. Et pour être dans l'esprit, les serveurs de sushi et de saké se sont vêtus des kimonos du club de karaté de la région dont Monique est devenue la présidente. D'ailleurs, elle s'empresse de présenter aux Japonais l'esprit de ce club de karaté. Bien entendu, les Japonais restent circonspects quant à ce club de karaté qui semble si loin de la philosophie shintoïste. C'est alors que M. le maire décide de présenter à ses administrés son homologue nippon, à savoir M. Yamamoto. Et quand Monique découvre son patronyme, immédiatement elle salue à sa manière M. Yamamoto. Évidemment, les tokyoïtes sourient aimablement à Monique, pas peu fière de son petit effet nippon qui d'ailleurs a totalement bluffé le Jean-Claude. Seulement voilà, au cœur de cette réunion franco-japonaise cruciale, il semble qu'un gros malaise se soit installé depuis que Monique ait prononcé quelques mots en japonais. Et l'interprète nippon, très calme, demande alors à Monique de le suivre quelques instants. Les gens de la délégation ont été offensés. Quand vous avez servi le café pendant la réunion, vous avez utilisé certaines formules qui leur permettaient de croire que vous maîtrisez notre langue. Mais monsieur, le japonais, ma seconde langue, je le parle couramment. Taisez-vous ! C'est pas vous qui parlez, c'est moi. Monsieur Omochi est furieux. La négociation a été aussitôt ajournée. Ces gens sont des partenaires de la plus haute importance pour notre compagnie. Comment voulez-vous qu'ils osent avoir des conversations confidentielles devant une étrangère qui écoute ? À partir de maintenant, vous oubliez le japonais ! Hein ? Mais je comprends pas. À partir de maintenant, le japonais, vous l'oubliez ! Monique est donc priée de la mettre en veilleuse. Du coup, le maire de Grosboule-les-Bains, lui aussi, est fou furieux après elle. On est au bord de faire capoter le jumelage, la merde. C'est alors que Jean-Claude est appelé à la rescousse par monsieur le maire, histoire qu'il démontre à madame Kitano, responsable d'un pôle de haute technologie à Tokyo, combien les habitants du coin sont à la pointe de l'équipement audiovisuel. Finalement, c'est un bienfait des temps modernes, le magnétoscope, non ? Souvenez-vous, avant, à moins de rester le nez collé jour et nuit sur l'écran, on manquait la plupart des bonnes émissions. Tout à fait vrai. Tandis que là, on glisse une petite cassette, on règle l'heure, on appuie sur enregistrer et hop, le tour est joué, on peut sortir tranquille. Exact. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que la cassette est réutilisable à l'infini. Dès qu'on l'a visionnée, retour en arrière et on réenregistre par-dessus. Une seule cassette pourrait suffire finalement. Disons deux. On efface et on recommence, peu importe ce qu'il y avait dessus. On appuie sur une touche et c'est reparti. Ça va, ça vient. Madame Kitano est totalement déstabilisée, alors que Jean-Claude, lui, semble subitement envoûté par la beauté diaphane de cette femme tokyoïte. Mais le maire, lui, est effondré par la connerie du Jean-Claude et lui demande ce qu'il compte faire maintenant pour attraper le coup. Non mais ça va pas ou quoi? Le maire de Gros-Boule-les-Bains est catastrophé, Madame Kitano n'est pas une geisha, merde! D'autant que l'interprète japonais ne sait plus que faire, puisque Madame Kitano, elle, exige la traduction de ce que vient de dire Jean-Claude, ce que le maire ne peut laisser faire, bien sûr, et tente alors d'improviser un truc du genre « rouler une pelle chez nous, c'est un plat traditionnel gros boulet ». Ben, mais non, Jean-Claude dit que pas du tout, et il s'avance alors vers Madame Kitano pour devenir plus explicite. Évidemment, le vénérable monsieur Kitano, également présent au sein de la délégation nippone, a explosé Jean-Claude sur le tatami. Tu imagines bien que depuis, la délégation tokyoïte a quitté cette ville de tarés dès hier matin, et résultat, Gros-Boule-les-Bains ne sera sans doute jamais jumelé à la ville de Tokyo. Encore que, selon monsieur le maire qui ne doute de rien, Harakiri rira bien le dernier. Et sache qu'hier soir, finalement séduit par les beautés ancestrales du Japon, Jean-Claude a convaincu Monique de se déguiser en geisha. Pourquoi tu viens pas plus près? T'es bien coiffée comme ça, t'es vachement mignonne. Je suis trop grosse, hein? Alors ça? Ben non, t'as un bon cul, c'est super. Toujours, je trouve ça très excitant, moi. Mais bon, rien à faire, Monique dit à Jean-Claude que geisha, ce n'est pas vraiment son truc. C'est culturel, sans doute. D'autant que, dans cet accoutrement, Monique a surtout l'impression d'être un objet, une poupée en quelque sorte, de cire ou de son qu'importe, mais une poupée japonaise, quoi.